C'est un venin de rigot. C'est un rigolo. C'est un venin de rigot. C'est un venin de rigot. Avec une charge de whisky. C'est un rigolo. Avec une charge de whisky. Avec une charge de whisky. Sur mon chemin j'ai rencontré. Fit en rigolé. Sur mon chemin j'ai rencontré. Sur mon chemin j'ai rencontré. Une jolie demoiselle au guet. Fit en rigolé. Une jolie demoiselle au guet. Une jolie demoiselle au guet. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Fait en rigoler. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Comprenez que je l'ai pas refusé. Fait en rigoler. Vous comprenez que je l'ai pas refusé. Vous comprenez que je l'ai pas refusé. Et son grand-père m'a demandé. Fait en rigoler. Et son grand-père m'a demandé. Et son grand-père m'a demandé. De bien vouloir l'épouser. Fait en rigoler. De bien vouloir l'épouser. De bien vouloir l'épouser. J'dis dans ce cas-là, on va se séparer. Fait en rigoler. J'dis dans ce cas-là, on va se séparer. J'dis dans ce cas-là, on va se séparer. Voilà ma chanson terminée. Fait en rigoler. Voilà ma chanson terminée. Voilà ma chanson.